La Corée du Sungun finira par triompher dans la nouvelle confrontation décisive contre les forces hostiles. À ce propos, le Comité Suisse-Corée et le Cercle Suisse d'études des idées du Juche ont publié le 30 avril une déclaration commune en signe de soutien à la déclaration commune du gouvernement, des partis politiques et des organisations de la République populaire démocratique de Corée. Par ailleurs, le Forum allemand anti-impérialiste a publié le 29 avril une déclaration contre la campagne des États-Unis et de leurs suivistes pour supprimer la Corée.